أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، avant de commencer, je vois certains de nos frères qui filment. Ils ne doivent pas être de notre mosquée, donc ils ne savent pas qu'il n'est pas permis de filmer, que je ne permets pas qu'on me filme. Je leur demande d'avoir la gentillesse d'effacer de suite afin de ne pas oublier et de ne pas recommencer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre compréhension. Vous pouvez enregistrer, mais ne filmez pas. Jazakumullahu khayran. Pour les femmes qui souhaitent discuter et se féliciter, on leur demande d'avoir la gentillesse de sortir. Et pour les frères qui sont présents, leur demande de respecter les règles qui ont été énoncées. Jazakumullahu khayran. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل واشكروه على نعمة الإسلام والإيمان على نعمة إنزال القرآن والتوفيق لصيام رمضان والقيام فالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه واحمد الله عز وجل الذي يسر لنا العودة إلى بيته سبحانه وتعالى لنجتمع على ذكره وعبادته تبارك وتعالى وحده لا شريك له شفخين يا الله سبحانه وتعالى كم الدولات Et montrez-vous envers lui reconnaissant du fait qu'il nous a guidés à la vérité, à l'islam. Remercie Allah tabaraka wa ta'ala du fait qu'il nous a guidés à la religion du meilleur des messagers envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Remercie Allah tabaraka wa ta'ala et montrez-vous envers lui reconnaissant pour la révélation du Coran. Remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir pu jeûner le mois de Ramadan. Remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir pu prier les nuits du mois de Ramadan. Au sujet desquels Allah, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Remercie également Allah tabaraka wa ta'ala, celui par la grâce duquel les bonnes œuvres se concrétisent, celui qui nous a permis par sa grâce, sa pitié et sa miséricorde de revenir dans sa demeure, l'endroit le plus aimé, la mosquée. Et ceci n'est pas un bien que nous méritons, mais une grâce et une faveur de la part de notre Seigneur. Après avoir été privé de ce grand bienfait, chacun d'entre nous doit connaître la valeur de la mosquée. Chacun d'entre nous doit remercier Allah Azza wa Jalla afin que ce bienfait soit préservé, afin qu'on puisse continuer à se réunir dans sa demeure pour l'adorer seul, d'un culte sincère, l'évoquer et le mentionner. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, walillahi alhamd. Chers frères, aujourd'hui nous sommes le jour de Eid al-Fitr. Et c'est une des deux grandes fêtes en islam. C'est un jour de joie et c'est un jour de fête. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais permettez-moi de vous parler de la vraie joie. De la joie réelle durable, celle qui vous accompagnera au plus haut point dans ce bas monde et dans l'au-delà. La joie de voir son jeûne accepté par Allah, le Seigneur des mondes. La joie de voir ses prières acceptées par Allah, le Seigneur des mondes. La joie de se voir agréé et accepté par Allah, tabaraka wa ta'ala, suite à la sincérité et le suivi du prophète, alayhi salatu wa salam. Malgré cela, il convient aux croyants d'être toujours entre la crainte et l'espoir. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, les sa'imi farhatan, le jeûneur se voit comblé de deux grandes joies. La première, yawm al-fitri, le jour du Eid, le jour où il n'a plus à jeûner, le jour où il peut manger, boire et retourner à son épouse. Il se réjouit tout naturellement. Le deuxième point, la deuxième grande joie que nous cite le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit « Wa farhatun hina yalqa rabbah » La joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur, lorsqu'il va voir la récompense qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde, lorsqu'il va voir qu'on lui permet d'entrer par la porte du paradis qui se nomme Al-Rayyan, lorsqu'il va obtenir la récompense des endurants, « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Certes, nous rétribuerons les endurants d'une récompense sans compter. La vraie joie est celle-ci. Mais qui parmi nous sait si son jeûne a été accepté? Qui parmi nous sait s'il est agréé chez Allah tabaraka wa ta'ala? Car vous savez qu'Allah nous dit dans le Coran, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Certes, Allah n'accepte que des gens pieux. C'est-à-dire dans le jeûne, si on parle du jeûne, Allah n'acceptera que de celui qui a été pieux dedans. Cette prière qu'on a accomplie, Allah l'acceptera que si on a été pieux dedans, et ainsi de suite. Ainsi, le serviteur doit finir ses œuvres d'adoration, ses actes d'adoration, avec El Sirva. Et c'est notre sujet, avec la demande de pardon. El Sirva, tu dis Astaghfirullah, par exemple. Ça signifie, oh Allah, pardonne-moi. Cache mes péchés. Efface mes fautes. Ne me châtie pas pour mes péchés, pour mes désobéissances. Tu m'as ordonné des choses, je ne les ai pas faites. Tu m'en as interdit d'autres, je les ai faites. Pardonne-moi pour cela. Ceci est appelé al-istighfar, la demande de pardon. Et Allah, ton Seigneur et le mien, a parmi ses noms, al-ghafour, al-ghaffar, le grand pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui souhaite rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala avec la plus grande joie, il doit continuellement demander pardon à Allah Azza wa Jal pour ses fautes. La plus grande joie qu'on puisse imaginer, nous serviteurs faibles que nous sommes, et même le pieux, c'est de se voir pardonner ses péchés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala est une des adorations les plus aimées chez Allah. Une des choses qui nous rapproche le plus de notre Seigneur et le meilleur des prophètes et des messagers demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, chaque matin, chaque soir, dans chaque prière. Et il est celui qui nous dit « Kullu bani Adam khatta wa khayru al-khatta'in at-tawwabun » Tout fils de Adam est pécheur. Et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Ainsi Allah Azza wa Jal nous a ouvert la porte du repentir et de la demande de pardon. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala nous dit, la demande de pardon, ou plutôt le pardon des péchés, et le fait qu'Allah Azza wa Jal affranchisse son serviteur du feu de l'enfer, a été rattaché ou bien est la finalité du jeûne du mois de Ramadan et des prières des nuits du mois de Ramadan. Allah te pardonne tes péchés et il te sauve du feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que tu as jeûné le mois de Ramadan. Parce que tu as prié les nuits du mois de Ramadan. Celui qui a fait cela, Ibn Rajab nous dit, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il doit se montrer reconnaissant qu'Allah lui a facilité cela en prononçant beaucoup al-takbir. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah nous ordonne, Allah nous enjoint al-takbir, le fait de beaucoup dire Allahu Akbar, car il nous a permis de jeûner ce mois-là, parce qu'il nous a guidés. Ainsi nous serons reconnaissants. Et un des grands signes du serviteur bienheureux dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est que à chaque fois qu'il tombe dans une faute, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait de l'istighfar. Tu ne dois jamais voir un péché trop grand chez Allah pour être pardonné. Tu ne dois jamais voir la multitude de péchés trop lourds chez Allah pour être effacé. Mais Allah t'a plutôt appelé dans le Coran à revenir vers lui, quel que soit le nombre et la grandeur et la gravité des péchés. Il est celui qui nous dit dans son livre قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Dans un autre verset, il nous dit وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque commet un mal ou une injustice à son propre égard, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah grand pardonneur et très miséricordieux. Ainsi, on doit constamment revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander pardon. Il nous faut méditer et étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et on arrivera à cette conclusion-là. Que la vie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort était remplie d'istighfar. Toutes les adorations du prophète alayhi salatu wassalam contenaient al-istighfar. Et lorsqu'il finissait ou était vers la fin de ses adorations, il les remplissait d'istighfar. Prenons pour exemple, et avant cela, écoutons ce que disent les compagnons à ce sujet. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui entendait dire Astaghfirullah wa atubu ilayh plus de 100 fois, de 70 fois dans la même assise. Il demandait énormément le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui-même nous dit Wallah, inni la astaghfirullah wa atubu ilayh fil yawm akthar min 70 marra. Il jure par Allah que par jour il demande plus de 70 fois le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et la demande de repentir. Regardons maintenant dans la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il entrait en prière, il demandait le pardon d'Allah. Lorsqu'il est en inclinaison, il demandait le pardon d'Allah. Lorsqu'il était prosterné, il demandait le pardon d'Allah. Entre les deux prosternations, il demandait le pardon d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est celui à qui Allah a effacé les fautes passées et futures. Les fautes passées et futures. Lorsqu'Allah a révélé Ida ja'a nasrullah wal fath, Aisha radiallahu anha nous dit qu'il disait en ruku' et en sujoud Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Il demandait à Allah de lui pardonner. En prosternation, il disait Allahumma ghfirli dhanbi kullah دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. Oh Allah, pardonne-moi l'ensemble de mes fautes. Il demandait pardon à Allah en prosternation. Entre les deux prosternations, il disait Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Oh mon Seigneur, pardonne-moi. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Avant de prononcer At-Taslim, avant de conclure la prière, il disait sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhart, wa ma a'lamt wa ma asrart. Ô Allah, pardonne-moi. Ô Allah, pardonne-moi ce que j'ai avancé et retardé. Ce que j'ai fait en secret comme en public. Et il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il disait, Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. Tu es celui qui avance et celui qui retarde. La ilaha illa ant. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Il unissait beaucoup entre la demande de pardon et la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'avec la ilaha illallah, tu effaces le shirk. Et avec al-istighfar, tu effaces les péchés. Et celui qui vient chez Allah avec ces deux choses-là, Allah Azza wa Jalla lui accorde le paradis. Puisse Allah nous accorder le paradis. Ainsi qu'à nos parents, nos épouses, nos enfants et l'ensemble des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il finissait la prière, il disait Astaghfirullah à trois reprises. Je demande pardon à Allah, comme dans le hadith de Thawben rapporté par l'imam Muslim. Tout cela nous montre quoi, très cher frère? Le grand besoin du serviteur dans l'adoration d'Allah de demander pardon à Allah. Nous avons fini de jeûner. Nous avons prié, certains ont fait des aumônes, certains ont lu le Qur'an une fois, deux fois, plus encore. On doit demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Les pieux prédécesseurs demandaient à Allah, Allahumma ballighna shahr Ramadan pendant 6 mois. Puis lorsqu'ils jeûnaient le mois de Ramadan, après pendant 6 mois, ils demandaient pardon à Allah pour les imperfections qu'ils ont eues dans ce jeûne. On doit en faire de même. Et plus le serviteur est pieux, plus il se voit dans le besoin de demander pardon à Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que le meilleur de ceux qui demandaient pardon à Allah était le prophète alayhi salatu wassalam, tous les matins avant le lever du soleil, tous les soirs avant le coucher du soleil, il disait Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata't. Ô Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Naam, tu m'as créé et je suis ton serviteur. Et je fais tout mon possible pour observer mon engagement. A'oudhu bika min sharri ma sana't. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait. Abou laka bi ni'matika 'alayya. Je reconnais tes bienfaits sur moi. Wa abou bi dhanbi. Je reconnais mes fautes. Faghfir li. Pardonne-moi donc. Innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Car nul ne pardonne les fautes, si ce n'est toi. Chaque matin, chaque soir, il disait cela, comme le rapporte l'imam al-Bukhari. Abu Bakr, le meilleur de la communauté, après le prophète, alayhi salat wa salam, est venu le voir et lui a dit, ô messager d'Allah, allimni dua'an, ad'u bihi Allah fi salati. Ô messager d'Allah, enseigne-moi une invocation pour que je la mentionne dans ma prière. Abu Bakr, est-ce que c'est un homme dans les péchés? C'est le meilleur de la communauté. Mais il se voit dans le besoin de demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Parce que plus la personne est pieuse, plus elle se voit dans le besoin de demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Il lui a donc enseigné. Dis, Allahumma inni zalamtu nafsi. Oh Allah, je me suis causé beaucoup de tort. Zulman kathira. Zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Et nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni. Accorde-moi donc un pardon de ta part et fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafur rahim, c'est toi certes le grand pardonneur, le très miséricordieux. Et lorsque Aïcha lui a dit au message d'Allah, vois-tu si j'atteins Laylatul Qadr, que me recommandes-tu de dire? Il lui a dit, dis, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es absoluteur, tu aimes l'absolution des fautes, des péchés, absous donc mes fautes. Voici comment était ceux qui nous ont précédés. Le prophète alayhi salat wa salam, avant même d'entrer dans salat, il faisait de l'istighfar. Lorsqu'il sortait, après avoir fait ses besoins, il disait Rufrana. Il demandait pardon à Allah. Après avoir fait le wudu, il demandait le pardon d'Allah. Il demandait à Allah Azza wa Jal de le joindre au nombre de ceux qui se repentent beaucoup. Ibn Rajab nous dit dans la Ta'if al-Ma'arif, où il nous rapporte, يَنْبَرِي أَيَخْتِمَ الْعَبْدُ السِّيَامَ سِيَامَ رَمَضَانَ بِالِسْتِغْفَارِ. Ibn Rajab rahimahullah rapporte qu'il convient aux serviteurs de finir le mois de Ramadan en demandant pardon à Allah. En demandant pardon à Allah. Il nous dit également que Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah كَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ وَيَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يَخْتِمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِالِسْتِغْفَارِ. Omar ibn Abdel Aziz a écrit à l'ensemble des contrées, finissez le mois de Ramadan en demandant pardon à Allah. En demandant pardon à Allah. Et il disait que ça réparait les imperfections et les fautes commises dans le mois de Ramadan. On a cité l'exemple de la prière. Mais dans le pèlerinage, c'était la même chose. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit ثُمَّ أَفِيدُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Le jour du grand pèlerinage, le jour du Eid al-Akbar, le plus grand Eid, Eid al-Adha, ce jour du Hajj, où tu marches énormément, tu te fatigues énormément, la veille tu étais à Arafat, le jour où Allah sauve le plus de gens de l'enfer, puis tu as dormi à Muzdalifa, le matin tu es parti, tu as jeté des pierres sur la stèle, tu as sacrifié des bêtes, tu t'es rasé la tête, tu as fait tawaf, et tu rentres à Mina, exténué, fatigué, à la recherche de l'agrément d'Allah, à la recherche de la récompense d'Allah. Allah Azza wa Jal dans ce verset te dit après tout ça, wastaghfirullah, demandez pardon à Allah. Demandez pardon à Allah. Alors que tu as Mina et tu as fini les plus grandes œuvres du Hajj, tu fais des sirfa. Quelles que soient tes œuvres, tu n'as pas fait comme Allah méritait. Quel que soit le jeûne que tu as jeûné, il faut de l'istighfar. Et notre istighfar a besoin d'istighfar. Nos demandes de pardon ont besoin de demandes de pardon. On a cité la salat, on a cité le jeûne, on a cité le hajj. Le prophète alayhi salat wa salam nous montre que dans toutes les phases de la vie, il faut de l'istighfar. L'imam ibn Sa'd rahimahullah nous dit concernant ce verset, هَكَدَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ عِبَادَةِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهِ. Il convient au serviteur à chaque fois qu'il finit une adoration de demander pardon à Allah. عَنِ التَّقْسِيرِ, parce qu'il a eu des imperfections. وَأَنْ يَشْكُرَهُ عَلَى التَّوْفِيقِ. Et il doit remercier Allah de lui avoir facilité cette adoration. Remplis ta vie de demande de pardon. Même quand il voyageait sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah et il faisait de l'istighfar. إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي. Lorsqu'il prenait place avec ses compagnons, à la fin d'un cours, à la fin d'une discussion, il faisait de l'istighfar et il nous disait, si on finit notre assise avec cela, s'il y a eu des fautes dans cette assise, Allah nous pardonne nos péchés. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Tu prononces cette formule-là et Allah Azza wa Jal t'efface tes fautes. L'istighfar, tout comme c'est la sunna de notre prophète, sachez que c'est la sunna de tous les prophètes et messagers. Concernant Adam alayhi salam, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort contre nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous pardonnes pas, ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des grands perdants. Concernant Nuh alayhi salam, وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. Si tu ne me pardonnes pas, ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des grands perdants. Concernant Moussa, Rabbi inni zalamtu faghfir li. Ô mon Seigneur, je me suis causé du tort à moi-même, pardonne-moi donc. Concernant Yunus, Dhunnun, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Exempt sois-tu de tout défaut, j'étais certes du nombre des injustes. Concernant Khalil Rahman Ibrahim alayhi salam, والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Celui duquel j'espère le pardon pour mes fautes le jour de la résurrection ou le jour des comptes. Pareillement pour Daoud, pareillement pour Suleyman, Et on a beaucoup d'exemples dans le Coran, alayhi wassalam. Parmi les choses qui aident à faire beaucoup d'istighfar, le fait de savoir les mérites de l'istighfar. Dans ce bas monde et l'au-delà, il y a énormément à gagner en faisant de l'istighfar. Beaucoup se plaignent de la sécheresse. Il faut faire de l'istighfar pour avoir la pluie. Beaucoup nous disent, je suis marié depuis 5 ans, depuis 10 ans, je n'ai pas d'enfant. Istaghfirullah. Demande pardon à Allah. Demande pardon à Allah, cher frère. Demande pardon à Allah, ma soeur. Allah te donnera des enfants. Beaucoup se plaignent de la pauvreté. Demande pardon à Allah. Allah t'enrichira. Allah nous dit dans surat, dans le Coran, dans surat Nour, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Nuh alayhi salam a appelé son peuple à l'istighfar. Je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur. Il est certes grand pardonneur, il fera descendre sur vous des pluies qui se succéderont. Et il vous accordera des biens et des enfants. Avec l'istighfar, Allah Azza wa Jal t'accorde tout cela. Avec l'istighfar, dans l'au-delà, tu recevras l'énorme récompense. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Touba liman wajada fi sahifati istighfara kathira. Bonne nouvelle à celui qui trouvera dans ses feuillets, c'est-à-dire le jour dernier, beaucoup de demandes de pardon. Les mérites sont très nombreux. Les mérites sont très nombreux. Il nous faut nous efforcer de beaucoup dire astaghfirullah wa atubu ilayh. Wa rabbi ighfir li wa tub alayh. Innaka anta at-tawwab ar-rahim. Le prophète alayhi salatu wa salam demandait énormément cela à Allah Azza wa Jalla. Sa vie bénie, remplie de bonnes œuvres, remplie d'enseignements et de miséricorde envers la communauté. C'était le meilleur de la communauté, le meilleur des pères, le meilleur des enfants, le meilleur des amis, le meilleur des prophètes, des messagers, des enseignants. Et avec tout cela, comment est-ce qu'il a fini sa vie? Comment est-ce qu'il a fini sa vie? Avec l'istighfar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a fini sa vie avec l'istighfar, la demande de pardon. Et nous qui sommes pécheurs de jour comme de nuit, on s'éloigne de l'istighfar. Et lorsqu'une personne nous dit « Astaghfirullah », on répond « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Allahu Akbar. « Hada Rasulullah » Sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiallahu anha nous dit pour finir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Il était sur moi. Et parmi les dernières paroles que je lui ai entendu prononcer, Rabbi ighfirli wa Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiq al a'la. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, aie pitié de moi et élève-moi à la plus haute compagnie, au degré le plus haut. Il a fini sa vie sur les serpents. La personne pourrait se demander, mais comment pourrais-je finir ma vie dans les sirfars? Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. La réponse, celui qui fait beaucoup de choses dans sa vie, Allah lui facilite en général le fait de mourir dessus. Omar ibn Khattab était énormément accroché à la prière. Parmi ses derniers instants, Salatul Fajr, il s'est fait poignarder. Beaucoup parmi les pieux prédécesseurs sont décédés en prosternation dans la salat. Parce qu'ils aimaient la salat. Si toi tu aimes la mention d'Allah, si tu aimes les sirfars, et que tu commences dès maintenant à prononcer beaucoup les sirfars, on espère en Allah Azza wa Jal qu'il nous efface nos fautes et qu'il nous permette au moment de décéder de demander pardon à Allah Azza wa Jal, puis de finir sur la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Après ce long moment, Allah Azza wa Jal nous réunit dans la mosquée. Et la période où on réunit le plus d'argent pour la construction de la mosquée est, comme vous le savez tous, le mois de Ramadan. Le mois de la générosité. Le mois durant lequel les chiardines sont enchaînées, les portes du paradis ouvertes, celles de l'enfer fermées. Les gens dépensent beaucoup. قدر الله وما شاء فعل. Allah est sage et savant. Et les mosquées étaient fermées. Non seulement chez nous, mais dans la plupart des pays au monde. Donc, on n'a pas pu avoir cet élan habituel et récupérer ces dons habituels. C'est pour cela qu'en ce jour de Eid, il faut dépenser afin qu'Allah Azza wa Jalla nous permette d'élever cette mosquée. Et il ne fait aucun doute qu'on a tous pris conscience de l'importance de la mosquée. Du grand bienfait de pouvoir se réunir dans une mosquée pour adorer Allah Azza wa Jalla, pour accomplir la prière. Se réunir pour écouter le Qur'an à Salat al-Fajr. Se réunir pour prier, incliner, prosterner à Salat al-Dhahr, à Salat al-Asr, à Salat al-Maghrib, Salat al-Isha. Mais aussi prendre plaisir dans les assises de science et de rappel. Prendre plaisir à s'asseoir dans la mosquée pour lire le Qur'an, pour étudier la religion d'Allah Azza wa Jal. Et pour ce faire, il nous faut une mosquée. Pour ce faire, il nous faut une mosquée. Donc il faut dépenser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah Azza wa Jal d'aider les responsables dans cette lourde tâche qui est la responsabilité de gérer cela. On demande à Allah Azza wa Jal de leur accorder la sincérité, de bénir leur personne et leur famille pour tous les efforts qu'ils fournissent. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner pour le manque de considération qu'on a envers toute personne qui est la cause qu'on puisse prier dans la mosquée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est un bienfait incommensurable. Nul ne connaît sa valeur si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il ne nous en prive plus jamais, jusqu'à ce qu'on le rencontre yawm al-qiyama et qu'il soit satisfait de nous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Il y a eu des décès durant ce mois. Certains de nos papas qui peuplent les mosquées, certains de nos frères et sœurs qui posaient leur front par terre. Ils sont décédés dû à la maladie. Et Allah Azza wa Jal ne fait que ce qui est bien. À Allah appartient ce qu'il a donné. À Allah appartient ce qu'il a repris. Et parmi eux, Monsieur Dramé Mustafa, rahimahullah, le père de nos frères Moussa, notre ami d'enfance, Abdoul, Issa, Idrissa, l'ensemble de ses frères, Masha'Allah. Comme Yaqub, il a eu beaucoup de fils. C'est un des premiers papas que j'ai rencontré dans ma vie qui avait une maktaba chez lui, des livres, subhanallah. Et lorsqu'on jouait dans le quartier derrière, il sortait, il nous disait « Allez faire la prière !» Il sortait dehors et nous disait « Allez faire la prière !» On était en 6e. « Wa'mur ahlaka bis salat » Il ordonna à sa famille la prière. Jazahullahu khayra. D'autres encore sont décédés de cette maladie. Si certains ne les mentionnent pas, Allah Azza wa Jal les connaît. Et on demande à Allah de les accueillir dans sa grande miséricorde. Tout comme on demande cela pour ces femmes qui nous ont mises au monde et qui nous ont enjoint la prière et appris la prière depuis petit. Pour celles qui nous ont porté peine sur peine pendant 9 mois, nous ont mises au monde en voyant la mort devant. Mais elles oublient cette souffrance, nous allaitent durant 2 ans et nous éduquent. Et dans toutes ces difficultés, lorsqu'elles se lèvent la nuit, et certaines sortent pour travailler, malgré que les enfants sont d'âge adulte, ils ne travaillent pas, ils sont chez eux, c'est la mère qui sort. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu musta'an. On invoque Allah Azza wa Jalla en faveur de ces femmes-là. Celles qui sont décédées et celles qui sont encore en vie. Allahumma afir lahum. Warhamhum. Warfi' darajatihinna fil jannah. Wajma'na ma'ahunna fil firdausi a'la. Waghfir li aba'ina. ولزوجاتنا ولذرياتنا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم وللأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ce matin, il y a également eu un décès. Le père d'un de nos frères, ou le grand-père d'un de nos frères, Sa'adallah Ibrahim. On demande à Allah Azza wa Jalla de l'accueillir dans sa miséricorde, de lui pardonner et de donner à sa fille l'endurance, à son petit-fils et leurs proches l'endurance, et qu'il soit une grande hasanat pour lui yawm al-qiyamah, en empruntant la piété. En empruntant la piété. Mes chers frères, craignez Allah Azza wa Jalla envers vos parents. Nous sommes dans une époque où il y a beaucoup uquq al-walidayn, la désobéissance envers les parents. Et des mamans pleurent et elles viennent nous voir à la mosquée pour se plaindre de leurs enfants. Ittaqullaha rabbakum. Ittaqullaha rabbakum fi ummahatikum wa aba'ikum. Craignez Allah envers vos mères et vos pères. Tu as ta mère ou tu as ton père, c'est une grande porte du paradis qui est ouverte pour toi. Fais en sorte qu'elle ne se referme pas avant d'avoir obtenu l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans ces circonstances-là, on s'excusera de ne pas se faire la colla et de ne pas se serrer la main. بارك الله فيكم.